son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bonjour, bon dia à la planète, à la famille. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une agréable nuit, pas comme moi, où j'ai mal dormi. Ah là là, réveillé à 5h. Mais je suis là pour vous donner le smile, le sourire. Courage à vous si vous allez au boulot aujourd'hui. Une journée plutôt agréable avec des températures plutôt pas mal ce matin. Vous avez vu, on est bien, hein, petite chemisette là, tranquille. 14 degrés au lever du jour. Ça le fait quand même jusqu'à 25. Alors profitez de cette journée, il va faire beau aujourd'hui avec quelques nuages quand même, mais du soleil. Car demain et vendredi, ça va pas être terrible. Samedi, normalement, retour du beau temps et dimanche, retour de la pluie. Mais bon, on est là aujourd'hui jusqu'à 24, voire 25 degrés. C'est très très bien. Une petite nuit qui arrive et insomnie, bah ça tombe bien. Pas facile du son qui arrive. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Chaque soir, je ne fais que songer avant d'aller me coucher. Pour moi, les ennuis commencent. Dans le lit, je danse seul face à mes pensées. Un peu de peur et de peine, c'est toujours la même rengaine. Je suis seul face à ces silences. Quand les idées s'élancent, m'empêchent d'avancer. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Et je ne peux combattre mes démons, fort au-delà du monde. Et je sais pourquoi je me sens malheureux. Puis je vais les yeux sur le monde. Je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent dans une ronde. La douce insomnie. Quand mes remords vagabondent au-delà de mon esprit. Trop de questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil m'est insoumis. Mais qu'elles en aillent. Ces idées qui viennent me hanter la nuit. Mais qu'elles en aillent. Je suis guidé comme supplanté par l'ennui. Je n'arrive pas à dormir. Je n'ai envie de rien hormis pouvoir enfin me plonger, ne plus me ronger dans les bras de Morphée. L'heure tourne, mais moi je ne peux toujours pas fermer les yeux. Même si je suis fatigué, mes pensées me hantent et me tiennent éveillé. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Et je ne peux combattre mes démons, fort au-delà du monde. Et je ne sais pourquoi je me sens malheureux. Puis je vais les yeux sur le monde. Je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent lors d'une ronde. Nous en sommes. Quand mes remords vagabondent au-delà de mon esprit. De questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil m'est insoumis. Fait qu'elles en aillent. Pas facile de dormir la nuit, hein, pour certains. Bah ouais, insomnie, qui levait 7h05, belle journée, bon réveil. Et je vous rappelle le bal anniversaire de la radio, ça va être le 5 novembre, ça va être énorme. Ils seront sur scène, alors je sais que je le prononce super mal toujours, mais c'est pas grave. Hermanos Verdes, et puis il y aura aussi le groupe Capra Negra. L'anniversaire de la radio, c'est le 5 novembre, et c'est à Montissi, on va passer une superbe soirée avec vous, et puis nous aussi les animateurs, on sera là pour faire la fête. 5 novembre, Montissi, le bal anniversaire de la radio Arc-en-Ciel, ça va être énorme. Ils arrivent, un peu de chaleur ce matin, collé serré dans la bagnole peut-être. Da nossa vida. chegou a hora de acabar com o amor das crianças. Chegou a hora, o mundo tem de mudar. Um novo dia, todos recomeçam. Já está na hora, a dor vai ter de acabar. E a alegria, a todos tem de chegar. Plein de soleil, ils seront sur la scène du bel anniversaire radio. C'est le 5 novembre. Hermano Fernandez, il y aura aussi Capanegra pour faire la fête avec nous. On va frotter, on va coller, on va serrer. Bah oui, peut-être, hein, vous allez emballer ce jour-là. 5 novembre à Montission, le bel anniversaire de la radio. Aujourd'hui jusqu'à 25 degrés. Et bien pourquoi pas, direction les îles et Belle Île en Mer avec vous, Woolsey. Sunday.

gêne. PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de gêne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. PS, je t'aime. Cher ami, bien. Tortue, comme on l'appelle, mon poteau Christophe Willem, PS je t'aime, c'est ce qu'on met des fois sur un texto, vous savez, quand on a un petit texto d'amour, à la fin on mettait PS je t'aime, ou alors PS chérie, prends son PQ, ouais, voilà, c'est comme ça, du son qui arrive, tout en douceur pour vous réveiller avec la belle Kelly Clarkson, parce que c'est toi, parce que c'est vous le matin, because of you. Autour de moi, dans la ville, va-t-il au bout de leur course? Quand le brouillard se lève, sans foi, sans toi, je cherche ma route. 7h24, le son d'Axel Red avec Je t'attends, bah, je vous attends, 02 38 43 48 00, si vous voulez passer un message avant d'aller travailler. Valérie qui est là, il y a Marie-France qui est là, Christelle, que des filles ce matin, ah ça fait du bien aussi. Belle journée, bon réveil, j'adore. Rec, Amigos, comme de la chose, avec Maloma, et ça vous allez adorer aussi. Belle journée, bon petit déj, aujourd'hui va faire beau, c'est la bonne nouvelle de la journée, ça c'est sûr. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Y hey, máteme, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, casi desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu mamá, baby. Amigos con derecho al buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis dedos. Et Rec, El Rayos del Sol, 7h27 et je vous fais faire du sport ce matin. Bah oui, ça fait du bien au réveil comme ça. 10 minutes de sport par jour serait très très très bon pour la santé. Un bonjour à Camille qui nous écoute, à Valérie aussi. Belle journée et courage à vous pour le taf.

comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. T'as fait de moi un papa. Papa. Ça change un petit peu, mais on la kiffe cette chanson. Un petit clin d'œil à sa fille, le nouveau Kenji, Girac, Eva, belle journée, courage à vous si vous allez au taf aujourd'hui. Coucou à Valérie, coucou à Edouard, coucou à Martine qui est là aussi, à Virginie. C'est l'album le plus vendu sur la planète Terre, en plus de 70 millions d'albums vendus de Thriller sur la planète. Il est sorti en 1982, c'est une tuerie. Voici Michael Jackson qui nous a quitté malheureusement. Oh my god, et Thriller, l'album extrait, voici Billie Jean. Just remember to always voiture, c'est sûr. Michael Jackson, extrait de l'album Thriller, 70 millions sur la planète vendue, c'est énorme. Avec Billie Jean, le meilleur de la musique, 7h41 minutes, les années 2000 qui sont à l'hommage ce matin, à l'honneur plutôt. Pour Edouard, qui a marqué les années 2000, il nous a demandé Organize, ils arrivent. Et deux frangins à l'époque, quelle voix. Voici We Come To Bali, c'est le son d'Organize. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Bon dia la planète. Can we talk about the love we felt before? Can we talk about that thing we won't want to leave? Can we go back to the time you used to love me every day? I know things won't change anyway. Can we be good? Every time I think about the way we used to live, every time I think of you and the love you used to give, the way you smile, the way you kiss is in my head. Can't pick up the phone, cause I feel so alone. Girl, I want you to know, want you to know. Let me show you the way. Every night, every day, you're my love, you're my soul. You're my soul. Yes, I need it so. I just want you and me. Can we talk about the love we felt before? Can we talk about that thing we won't leave anymore? Can we go back to the time you used to love me every day? I'll be beneath, I know things won't change anyway. Can we, baby? Can I talk about the way we met love every day? By the way you used to say when we were about to foreplay. Like a mess, big breath getting to my mind. You look so divine, God, I could have been so blind. God, I want you to know, want you to know. Please don't let it go, lady. Let me show you the way, baby. Every night, every day, ever. You're my love, you're my soul. Yeah. Yes, I need you so. I need you so. Can't you see? I just need you in me, baby. Can we talk about the love we felt before? We'll be talking, can baby. Can we talk about that thing? We won't leave anymore. Won't leave anymore. Can we go back to the time you used to love me every day? Lady. Even me, I know things won't change anyway. Can we really need you, girl? Can we do my life? And you know what I could say to bring you back in my way. Nothing really matters if you with me. Everything's alright. Every time your face is in my mind, every time, baby, by your side, stay by my side. Can we talk about the love we felt before? Let's talk about can it. Can we talk about that thing we won't leave it? I need to talk about can it, baby. Can we go back to the time you used to love me every you day? You used to love me every day. I know things won't change anyway. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter. Allez te faire un moi je passerai bas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Pour une fille.

de mafineando en un plan, plan, plan. Cuando me den esa curva le doy pam, pam. Cuando tú recetando se tapa con este bien. Me gusta como mueve ese ram, pam, pam. Mi mente mafineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva le doy pam, pam. Belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, pa' matarle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas, de dónde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. ¿Quién es el toque? Numéro 1, vous aussi du côté de Jarjo, on nous écoute du côté de Chien aussi sur le net. Vous tapez Radio Arc-en-Ciel Orléans et vous nous avez directement sur le playlist Radio Arc-en-Ciel Orléans. 7h53 minutes, le sens de la vie. Je pense que le sens de la vie, c'est de sourire, d'être de bonne humeur tous les jours. Ça, c'est la priorité des choses. Aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur parce que le soleil est là, étale aussi. Elle est magnifique. Je regarde le clip en même temps. Elle est magnifique. Le sens de la vie, un clip tourné à New York. Depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je mène. C'est une évidence. Mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je fais. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je mène. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je mène. Tout sens en contre-sens, on se perd toujours. Quand on fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Je sais pas vous si ça vous fait le même effet, mais je trouve que cette chanson ne me patate le matin. Ouais, Tal, le sens de la vie. Heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio. Et je suis en train de regarder une date. Barry White, vous connaissez forcément, quelle voix, quel crooner. Eh bien, ça fait bientôt 20 ans qu'il nous a quittés. Ouais, en 2003, donc cet été, le 4 juillet, malheureusement, 20 ans qu'il disparaissait. Une voix en or, un monsieur sur scène. Voici Barry White, You're the Further Lies, My Everything. 7h57, l'horoscope qui arrive dans moins de 5 minutes. Et puis, Granu aussi avec Ne reviens pas. I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Ça passait autant le temps, du temps. Bah oui, Barry White, My First, The Last, My Everything. Il nous quittait il y a bientôt 20 ans, imaginez-vous. Oh là là, quelle voix, quel monsieur aussi. Et quelle musique, quelle vraie musique de maintenant. Hein, c'est pas pareil. Rick, vous l'adorez, sur un arc-en-ciel. 8h01 minute et l'horoscope qui arrive. Te busco en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo. Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. similar. Que tú me hiciste que no te puedo olvidar. Oye, oh, yeah. Tú me quieres a tu manera. Mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera. Que porque volvieras daría lo que fuera. Pero es que tú, chica, con ese piquete. Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. No puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica, con ese piquete. Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. No puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Está matando la soledad. Duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar. No te alejes de mi vida. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque bueno, es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. J'adore, j'adore. Rek avec Ozuna, mes niego. Heureux d'être là, c'est Frankie dans la radio. On est ensemble jusqu'à 9h et l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Eh oui, c'est maintenant et on démarre avec les béliers. Votre partenaire aimerait un peu plus de fantaisie dans votre couple aujourd'hui. Les taureaux, retrouvez un peu d'estime pour vous-même et laissez la nostalgie de côté. Les gémeaux en famille, vous serez peut-être amené à prononcer les mots acerbes et vous ne laissez pas gagner dans la colère. Les cancers, ouvrez les yeux, votre vie conjugale va bénéficier d'un bon coup de pouce aujourd'hui. Les lions, aimez à en perdre la raison. C'est votre adage du moment. Les vierges, vous entrez dans une période au cours de laquelle votre conjoint pourra vous apporter beaucoup aujourd'hui. Les balances, quoi que vous pensiez, on ne peut pas forcer le destin malheureusement. Les scorpions, une rencontre imprévue pourrait être à l'origine d'une liaison agréable ce matin. Les sagittaires, célibataires, vous cherchez le plaisir et uniquement cela, ça ne devrait pas tarder à frapper à votre porte. Les capricornes, vous vous posez beaucoup de questions aujourd'hui, alors des fois, savoir se remettre en question, c'est bien aussi. Les Verseaux, ne cédez pas à la pression, il faudra être totalement sûr de votre choix ce matin. Et enfin, les Poissons, votre vie affective évolue en ce moment avec votre couple, donc profitez de cette belle journée ensoleillée. Gradure qui arrive. Non, ne reviens pas, non, pas tout de suite, en tout cas, nous on revient avant 9h, on sera là dans la radio Francky, je vous réveille et je suis là jusqu'à 9h. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, chez nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jazz. Je suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. T'as tout est fraîche, donc je le mets de côté. Faut du bif pour la piloter. Elle s'enchaîne toute la nuit. J'ai mis 30 bouteilles sur la table. Donc forcément, elle me donne son stand. Que des moules avant le cas. Je vais finir bourré. Tu t'es vu avec moi. Mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille. Et depuis, je célèbre. La boîte de ma porte, tient pas. Si je veux, je l'achète. Faut que tu coopères. Si tu veux pas, va prendre ton Uber. Ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jazz. J'suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler taille. Y'a parle, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Oh. Les bouteilles de Colal, violent comme Conan, Myriam ou Morgane. Oh. Je l'ai chargé en Mégane, je repars en Bécane. J'ai pris la Russe et j'ai viré la Gitane. Jamais en Pagane, toujours en Bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'il te plaît, reviens pas. De toute façon, j'ai déjà Benda. Ça y est, tu reconnois. C'est le Cheikh et la Moula. La Roula, les Oula. Bébé, non, ne les écoute pas. Je les baissais, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du gars. Je suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Un blue dadodi, bah vous avez vu le, derrière le son, un blue dadodi dadodam, bah ouais c'était ça à l'époque. Gradure avec ne reviens pas, enfin pas tout de suite, hein. 8h08 on est là avec vous jusqu'à 9h, c'est Francky dans la radio. Une belle reprise que j'adore, elle s'appelle Emily, elle mérite d'être connue, Je n'ai que mon âme, reprise de Natacha Saint-Pierre et on adore ce Radio Arc-en-Ciel. Écoute, en priorité c'est déjà là. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de ça. Que ton cœur ne brûle plus comme autrefois. Même si l'amour, je crois, ne se dit pas. Mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme pour te parler. Juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile le fleur au bout de mes doigts, dérisoire sert pour parler de moi. Puisque tu dis de Natacha Saint-Pierre. Je n'ai que mon âme. Bon réveil et courage à vous, c'est le taf aujourd'hui. La météo. La météo. Eh bien, le ciel aujourd'hui est assez nuageux ce matin, mais le soleil va faire son apparition et des journées plutôt pas mal ensoleillées avec des températures au lever du jour qui frôlent les 13-14 degrés et qui vont dépasser les 23 voire 25 degrés aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, histoire de vous plonger un peu dans les années 2000, les années club, hein, on faisait déjà la fête et on faisait bien la fête avec une fille qui était numéro 1 des clubs à l'époque. Elle s'appelle Lady avec Easy Love, forcément. Ça va vous nous rappeler des bons moments. Coucou à Carole qui est connectée du côté d'Orléans. Salut Carole, belle journée à toi, bon réveil. Bah oui, ça y est, direction le taf. Pascaline aussi qui va au taf ce matin. Francky, direction Saran pour aller travailler ce matin. Je commence à 9h et je suis un petit peu dans les bouchons. Tut, tut, tut, tut. Bon, faites gaffe. Est-ce qu'il y a des bons plans pour l'essence? 02 38 43 48 00. Vous m'appelez si vous avez des bons plans là, en ce moment, tout de suite. Là, vous avez repéré une station. Il y a de l'essence. Eh bien, 02 38 43 48 00. Le son des clubs en l'an 2000, c'était ça. C'est Easy Love avec Lady. Belle journée et bon courage pour le job. Universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. C'est dans la bonne originale là, du film La Vérité si je mens, où il danse en boîte, là, il se prend une tarte. Ah ouais, on adore. Lydie, Easy Love, les années 2000, forcément, ça vous rappelle des bons moments. Encore un soir, encore un moment. Alex Le Bail qui arrive, et on l'adore sur la Croisselle d'Orléanais. Et juste avant, c'est la belle Salane Dian, 8h15. Hier, mentir et ma mémoire, et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, quelqu'une force, que le temps les enlève, se repose et caresse. Encore un soir, encore une fois, on adore. Céline Dion, on a Caribou, encore un soir, et puis lui aussi on l'adore, parce qu'il est d'Orléans déjà, Alex Le Bail, et vous le kiffez vraiment, en playlist sur Radio Arc-en-Ciel, et je suis fier de lui, il a démarré chez nous, bah oui, Alex Le Bail. Dans la rue, ton doigt m'a frôlé, presque en nu, j'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup, j'avais un cœur. Ce désir, se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song I can. Au jour du premier rendez-vous, en nous, je sens mes sens s'imprégner. Dans l'innocence, tu m'étais destiné. Comment m'ouvrir à ce désir? Se dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song again. À mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais je ne te fuis. Comment m'ouvrir à ce désir, te dévoiler un jour notre avenir. I can't explain, but I will find a song again. I can't explain, but I will find a song again. I can't explain, but I will find a song. Alex Le Bail, l'Orléanais sur la France Ciel, il sera bientôt notre invité pour nous parler justement de son nouvel album qui est bientôt dans les bacs et on sera heureux de le retrouver. Kenji qui arrive et jamais à genoux, 8h21. Coucou à Audrey qui est connectée du côté d'Olivier qui va travailler ce matin. Salut Audrey, passez une bonne journée. Voici le son de Girac, Kenji. Et je pensais à elle, les victoires, les défaites. Ah si seulement tu savais, j'ai traîné un peu de partout. qu'un homme. Un homme. Je peux vivre dans mon rédon, mais ne refusez pas un château. Un homme. Je suis qu'un homme. Ils voulaient que j'abandonne, mais ils sont fous. Ta mère a fait de moi un homme. Le monde est à nous. Ils voulaient que j'abandonne. Je suis debout. Ta mère a fait de moi un homme. Jamais à jamais. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Come up, I'm grinding, grinding. Girl, just give me that thing. Come make we set this I'm gonna get this, I'm gonna wet this. Let's get reckless, make this night be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this, girl, I'm flex this. Boom, flick, for the pool, I'm bless this. We not fed this, girl, just let this energy come shock like electric. Ooh, why back, ayo. When you wind up, ayo. In the fight, back, ayo. Yeah. Better bet the brass, new eyes. Boy, in the fight, back, ayo. Non vale la pena lutar. Why did baby, baby? Mi ouvir não pode escapar. Ficas louco a pouco, viciado e louco. Bem, tu sabes bem. Por isso eu digo bem. Alright. Yeah, yeah, yeah. We roll the girl them every day. Oh, oh, oh. We and the girl them we a party. Yeah, yeah, yeah. Roll with the girl them every day. Oh, oh, oh. We and the girl them we a party. Hola, bon dia la planète avec Lucenzo, Wine Up et Chan Paul. Et je suis triste parce que hier il y a un chanteur des années 80, un groupe que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs, qui nous a quitté. Il avait 80 ans. Il s'appelle Franco Gatti. Il faisait partie du groupe Sala Pacchettiamo Ricci and Poveri. Rappelez-vous cette chanson mémorale qui a fait danser dans toutes les boîtes, dans toutes les radios. Et bien je voulais lui faire un petit clin d'œil ce matin. Franco Gatti qui nous a quitté à 80 ans. Le groupe est cartonné dans les années 80, il cartonne toujours sur les radios. Sala Pacchettiamo et on adore Ricci and Poveri sur Radio Arc-en-Ciel. Un petit clin d'œil à Franco qui nous a quitté à l'âge de 80. Bah les lions, c'est pas mal hein. Salut mon poteau. Respira. ce matin. Ça sent bon l'Italie. Je voulais lui faire un petit clin d'œil. Monsieur Galli qui nous a quitté à l'âge de 80 ans. C'était hier. Un groupe qui est formé en 1970 près de Gênes, avec plus de 20 millions de disques vendus dans les années 70 et 80. Et puis ce tube interplanétaire, Salapeke Ti Amo. Voilà un petit clin d'œil à l'Italie ce matin. Belle journée, bon réveil, 8h30. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Que no se imagina vivir sin ti, que no lo entiende y por qué te fuiste, castigado de aquel día por ti. Mi baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más, tarde o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. Muere por tu amor. Tanto daño le está haciendo a mi corazón. Mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tarde o temprano sé que te conquistaré. De nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más. Soleil, ça sent le printemps. Ben non, on est bientôt en automne et l'hiver qui arrive. La météo. Ah oui, parce qu'aujourd'hui les températures sont dingues, hein. La planète devient cinglée, hein. Au réveil, 13-14 degrés, et on va dépasser quand même les 24 voire 25 degrés sur Orléans, Pithiviers, Fayet-aux-Loges, avec des nuages, du soleil, ça va être alterné, mais donc, profitez-en parce que demain normalement le retour de la pluie, mais le retour du son il arrive avec celui que vous adorez, mon petit chouchou, Yanns, clic clic, pam pam. Ben oui, vous allez chanter forcément avant d'aller au boulot. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Comment j'aurais fait pour pas toi? J'sais que le passé c'est le passé. Mais entre nous, j'peux pas dire ce qui s'est passé. J'voudrais pouvoir rattraper le temps. Pour que tu partes, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, bon sang. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? J'sais que le passé c'est le passé. Mais y'a qu'à toi que j'peux me confier. Tu sais, j'viens parano des fois. Quand j'reste seul, direct j'pense à toi. Et ça fait clic, clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, j'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'vais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. Dis-moi, il me reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le monde. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je vais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Et ça fait quoi? Bah ouais, vous avez chanté, je viens de vous voir. Clic, clic, pom, pom, pom, Yanns. Belle journée, 8h35, c'est Francky dans la radio en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bah voyez, il y en a qui pensent à vous, les bons plans pour l'essence, c'est ce que je passais le message tout à l'heure en direct. Hein. Et puis un appel, Lorinda qui nous appelle, et il y a de l'essence, Total Orléans La Source, voilà, il y a de l'essence là-haut, allez-y, foncez. Merci Lorinda, elle voulait pas passer l'antenne, tant pis, bah je le fais pour elle. En tout cas, passe une agréable journée Lorinda, avec la radio couleur 96.2 FM. Merci, vous aussi, vous pouvez m'appeler si vous avez des bons plans pour l'essence, comme Lorinda par exemple, à La Source, là il y a de l'essence. Et bien vous m'appelez 02 38 43 48 00. Je vous emmène au boulot, au chantier ce matin. Bandia la planète, ouais, c'est le seul mot que j'ai dit en portugais, mais c'est déjà pas mal. C'est un beau progrès en 7 ans d'émission, c'est un beau progrès. Tony Carrera, vous l'adorez sur la conciel. Belle journée et bon petit déj à vous si vous êtes peut-être à la station service en train d'attendre dans la voiture avec les croissants et le café. Bah oui, on est là. Voici monsieur Carrera. É mais um de tantos dias em que choro o teu adeus, em que invento melodias para lembrar quem me esqueceu. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida, é assim e o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos, sonhador com olhos risonhos, mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. É mais um de tantos dias em que as mágoas são iguais, em que vivo fantasias nas canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto o mal menor. É assim a minha vida, é assim e o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos, sozinho a chorar. Pobre cantor de sonhos, mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos que faz sonhar, j'ai pas tout compris les paroles, mais en tout cas, c'est une belle chanson d'amour. Tony Carrera sur l'arc-en-ciel, belle journée. Laurent qui est connecté, salut Francky, je vais au taf, je commence dans 20 minutes et je suis super à la bourre. Bah nous aussi, on est super à la bourre. Du son qui arrive, vous l'adorez, c'est Tech. Donne-moi le temps, écoute, vous adorez déjà. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant tu reviens. Et comme avant tu espères retrouver celui qui t'a aimé. Celui avec qui t'as joué. Et maintenant, maintenant c'est toi qui veux parler. Toutes tes meilleures phrases tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût. Le goût de ton poison. Et maintenant, à sa vente, avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu aimes de toi, non. Et maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. L'autre a su me soigner. Avec Tech, le temps, bon, on donne le temps, bah, on va remonter le temps même. Hein. Ah là là, là, je parle à tous les anciens. Bah ouais, qu'on connaît les clubs à l'époque, les vrais discothèques, hein, pas les trucs de maintenant, hein, où on faisait la fête quand même. Hein. Bah, c'est George Benson, Gimme the Night, Gimme the Funky Music. Et ça, c'est Collector, sur Radio Arc-en-Ciel. 8h43 minutes, belle journée. Just give me the night. feel the rhythm of the evening picking us up high. Never mind the weather. We'll be dancing in the street until the morning light. Cause there's music in the air and lots of love everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. So give me the night. All this music in the air and lots of love is everywhere. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. All this music in the air and lots of love is everywhere. So give me the night. Ah, le meilleur des souvenirs, George Benson à l'époque, vous avez quel âge en 84? Give me the night, give me, donne-moi de la nuit, ça veut dire, bah donnez-moi de la nuit, et puis donnez-moi de la musique aussi. Radio Cancel, on est en direct comme tous les jours, heureux des plats, Francky jusqu'à 9h, avec Gims qui arrive, et je me tire, et ça on adore. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après, je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Malgré ta couleur est belle. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir moi d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Je me tire, pas tout de suite, dans 10 minutes avec vous. On est là, c'est Francky dans la radio, 7h-9h pour vous réveiller. Côté météo, on est pas mal aujourd'hui, hein, jusqu'à 24 voire 25 degrés. Et le soleil sera là, et bien présent. Non, je suis pas encore fou, mais elle, par contre, ouais, voici Marla Wad, oh la folle. En amour, papa, pas de pitié. Tu donnes de l'air, c'est éparpillé. Comme ça que tu repatries. Ils tapent pas pour la patrie. Mais que pour elle et leur fratrie. Elle a l'hallucine sur la vie de ses copines. Sur la vie de ses cousines. Elle veut aussi avoir la combine. Elle veut vivre sa vie avec l'homme de sa vie. Elle lui donnerait sa vie. Mais lui fait des manières. Mais lui fait des manières. c'est pas son ami, ils vont finir à compagnie là. Ouais, il fait des manières, la relation date pas dire. Elle va ruiner ta vie et toi tu tombes dans son piège. Tout mis dans la merde, oh dans la merde. Mais qu'il est bête, oh que t'es bête. Elles t'ont toutes mis dans la merde, yeah, dans la merde. Au lieu d'arrêter, t'as continué. T'as même plus de sous pour cantiner. Elle t'a pris ton cœur et ton compte ruiné. Elle avait ton fun et ton code pineux. Si ça peut te rassurer, y'a pas pireux. On parle plus de liasse mais de centimeux. On parle plus d'amour ni de sentiments, mais juste d'une meuf qui se dandine. Il fait des manières, toujours en bonne compagnie. Non, c'est pas son ami, ils vont finir à compagnie. Ouais, il fait des manières, la relation date pas dire. Elle va ruiner ta vie et toi tu tombes dans son piège. Oh. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. À la mer, allongé sur le sable, à prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à saler le corps. On fait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. On y va, caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. On y va, c'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Si on vit tardé, et si le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. On y va, toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Du rhum, du vin, ouais, c'est pas mal ça. Bah, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. On y va quand tu veux là-haut. Hein. Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h, c'est bientôt la fin. Victor Carré dans quelques minutes pour vous accompagner jusqu'à midi avec la meilleure musique de Portugal. Bandi à la planète, parce qu'on peut dire encore Bandi à cette heure-ci. Hein. 8h56, retour demain, 7h-9h, Francky dans la radio, passez une excellente journée. Et Victor qui arrive dans moins de 5 minutes.